meilleurs de la scène blues se donnent rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonjour à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Notre invité de ce soir est un véritable troubadour du blues qui traverse la France depuis 20 ans, du sud au nord, et seul, du nord au sud aussi, armé de sa guitare. Oui Cédric, tu as raison, nous pourrions même le surnommer Mr. Tambourine Man, comme le chantait Dylan, mais comme surnom, lui préférons Mr. Tabourin, comme il l'expliquera d'ailleurs lui-même tout à l'heure. Ladies and gentlemen, un triomphe pour Magic Buck. Bonsoir. La cigale chante parce qu'elle cherche l'amour de sa vie. L'homme chante parce qu'il l'a perdu. Ça s'appelle le blues. myself no more. You don't know how hard it is for a blues man to lose both his voice and his voice. I'm waiting for tonight. Cicada, cicada. Well, I'm waiting. Alors, le truc sur lequel je suis assis, c'est pas un tabouret, et pourtant il y en a. C'est pas un tambourin non plus, et pourtant il y en a aussi. Comme c'est moi qui ai inventé ce bazar, il fallait aussi que je trouve un nom pour vous en parler, et j'ai pensé à tabourin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais? Well, I'm a blues boy stomper. I stomp on my tongue. Yeah, I'm a blues boy stomper. I stomp on my tongue. A glacial heartbeat coming from my feet. I feel my kicking down on my footstool. You feel my kick going down on my footstool. Goes down on my kick. Il est notre invité dans le Blues Café et c'est la première fois qu'il vient nous voir ici sur la scène du Millennium. Vous pouvez l'applaudir très fort, Monsieur Magic Buck. Salut. Buck. Oui. Nous le disions donc en introduction, tu es sans cesse sur la route, tu es un voyageur impénitent. Et cette route que tu appelles d'ailleurs, paraît-il, ton espèce de tournée permanente. Un peu ça, oui. Alors tu joues depuis 20 ans. Tu as une idée un peu du nombre de kilomètres parcourus? C'est le fisc qui nous demande ça. Donc, aucune idée, non. Du nombre de kilomètres parcourus, non? Aucune. Aucune? Non, non. Je ne suis pas un compteur. Compteur d'histoire? Je suis un compteur d'histoire, mais je ne suis pas un compteur de kilomètres. Ah, très bien. Alors justement, si tu sais, là, tu fais une belle transition avec la question qui suit, puisque on a lu que tu avais coutume de dire que tu chantais ce que tu vis et que tu vivais ce que tu chantes. Redis-le, Cédric. Tu chantes ce que tu vis et tu vis ce que tu chantes. Est-ce que c'est ta devise ? Un peu, ça l'est devenu, oui. À force d'écrire, à force de ne plus chanter que ce que j'écris, effectivement. Alors attention, il y a un terreau écrit à la fin. Oui, il faut que ça ait du sens, voilà. J'ai cessé de chanter les blues des autres quand j'ai eu envie vraiment de passer à mon propre truc et que ça ait du sens personnel. Bah justement, le blues pour toi, donc, c'est arrivé comment dans ta vie ? Longue histoire. Eh ben, on a le temps. C'est venu par le rock. Avant, j'étais musicien de rock et puis j'ai voulu savoir ce qu'il y avait avant. Et j'ai toujours cherché à connaître les versions originales des morceaux que jouaient les groupes de rock. Et un jour, je me suis aperçu que pour la plupart, c'était des blues qui avaient été composés par des artistes noirs, souvent avant-guerre. Donc je me suis intéressé à cette époque-là, à ces artistes-là, et je me suis mis à jouer ça. Ça, je le faisais en groupe, hein. Je ne le faisais pas seul. Il s'appelait comment le groupe ? Il s'appelait Honky Tonk Brothers. Ouais. Et c'est un groupe qui a pratiquement jamais quitté le Var. On était basé à Toulon. Oui, parce qu'il faut préciser que tu es du Sud, même si tu viens souvent à Lyon. Oui, parce que maintenant, je suis tout lyonnais. Ouais. Je ne suis plus toulonnais, je suis tout lyonnais. Tout lyonnais. Je vis dans les deux villes. À 100% ? Ah non, d'accord. Un coup là, un coup ailleurs. Et ton premier concert de blues, tu t'en souviens ? Alors celui qui m'a marqué et qui m'a donné envie de jouer en solo, c'est Hans Olsson dans une petite salle à Sifourlipage. Oui. Et par la suite, j'ai vu Corey Harris, donc j'ai fait la connaissance. Et ça a, confirmé mon désir de jouer solo. Tu le disais, on a commencé à en parler, mais de 17 à 30 ans, tu as alterné dans beaucoup de styles. Tu as joué du hard rock, du blues rock, du rock'n'roll, du rockabilly, de la country, du bluegrass et même de la chanson. Tu peux nous dire deux mots de ces différentes expériences ? Parce que je pense que toutes ces expériences ont façonné le bluesman que tu es devenu aujourd'hui. Disons qu'elles sont à l'image de toutes les musiques que j'écoute ou que j'ai écoutées. Mais je continue à écouter tout ce que j'ai écouté, en fait. Il n'y a aucun style que j'ai renié. Et pourtant, tu ne pratiques pas tous les styles. Non, aujourd'hui, non. Parce que j'ai trouvé ma voix. Avec tu n'as jamais avec eu un... envie, justement, de jouer d'autres styles proches que tu as pu jouer jadis ou écouter ? Mais je l'ai fait, en fait. Je les ai joués. Donc pour toi, c'est une histoire terminée. Oui. À partir du moment où tu as goûté à l'intensité du blues tel que je le fais avec une guitare, un harmonica, tu ne peux pas revenir en arrière. Moi, la première fois que j'ai écouté Booker White, des gens comme ça, j'ai été bouleversé, mais vraiment bouleversé. Je me suis dit, mais à cette époque-là, en fait, on avait déjà tout fait, on avait déjà tout dit. Mmh. Un peu comme pour le cinéma, d'ailleurs. Je suis passionné de cinéma aussi, et quand je me suis intéressé au cinéma muet, je me suis aperçu que tout avait déjà été fait à cette époque-là. Tu as joué dans plusieurs groupes, et l'un de tes groupes t'a d'ailleurs mené à jouer pour Johnny Hallyday. En fait, c'est lui qui est venu jouer avec nous. Ah oui, pardon. Eh ben oui. Oui. En fait, on jouait. T'as invité le taulier à ta table. C'est exactement ça, parce qu'on jouait dans son café à Saint-Tropez. Ils avaient demandé un groupe de rockabilly, rock'n'roll, et à l'époque, il n'y en avait qu'un. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, toujours, il n'y en a qu'un. C'est le même groupe qui existe toujours, c'est les Dixie Cats. Donc on s'était retrouvés à jouer là-bas avec la promesse qu'un soir, Johnny viendrait certainement chanter avec nous. Et ça s'est produit. Il était complètement bourré. Mais ça reste un grand moment, parce que quand Johnny se met à chanter dans un micro, et que tu l'entends dans les retours, tu vois ce que c'est qu'un chanteur. Il y a eu une suite, non, jamais ? La suite, si, quelques jours après, où il est revenu, et là, c'était pendant la balance, le bar était fermé, il est venu faire quelques morceaux, discuter, prendre l'apéro avec nous. Quelqu'un de vraiment attachant. D'autres rencontres, justement, des rencontres mémorables ? La première partie de B.B. King, à la Seine-sur-Mer, en 95, c'était avec le trio. Ah, et alors, il est venu jouer avec toi ? Il était bourré ? Pas du tout. Ah non, pas du tout. B.B. King, très, très, très sobre. Alors, aujourd'hui, tu vis... À Toulon, on a entendu tout à l'heure un peu les cigales du Sud. Et dans une chanson, tu dis avoir plusieurs codes postaux. Always on the road, got more than a zip code. Mm-hmm. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui a envie de se fixer à un endroit. Disons que je me sens bien partout, en fait. Ouais. Et comme je fais en sorte d'aller partout, en général, je m'arrange pour rester un petit peu à tous les endroits où je suis, parce que je me sens bien. Gaston Lagaffe a inventé le gaffophone. Toi, tu es l'heureux inventeur du tabourin. Le tabourin, oui. Donc, tu l'as un peu expliqué tout à l'heure. Comment c'est venu, cette idée ? Comment, dans une vie d'homme plutôt raisonnable, on en vient à inventer un tabourin ? Oui, j'étais pas encore père de famille quand je l'ai inventé. En fait, j'ai toujours tapé du pied en jouant de la musique, et quand j'ai commencé à faire du blues, je me suis dit, bah, il faudrait que ça serve à quelque chose. Et le premier groupe de blues que j'ai fait, les Honky Tonk Brothers, justement, on était trois, avec contrebasse, guitare et un harmoniciste. Et j'ai commencé à faire du tabourin à cette époque-là, il ne s'appelait pas encore comme ça. Parce que c'était la version... Là, je dois en être à la version 5. Ah oui, c'est même mieux que iPhone et tout. Ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas la planche, il n'y avait que le tabouret avec le tambourin dedans. Et je tapais des deux pieds sur le cerclage. D'accord. Et après, j'ai rajouté la planche pour avoir un son de grosse caisse. Après, j'ai rajouté un petit marche-pied à gauche pour activer le tambourin. Bientôt, il y aura un déambulateur devant le tabourin. Maintenant, il y a un superbe siège avec un coussin avec mon nom brodé dessus, qui ne change absolument rien au son, mais qui fait très joli. Alors, Magic Box, si tu veux bien, on va citer Fred Delforge, que tu connais, Fred Delforge, du site Zikazik, un des plus grands sites de la musique, et qui dit « Sur toi, les morceaux de Magic Box ont une très forte personnalité, voire originalité. » Si tant est qu'on puisse encore en avoir un peu dans une musique jouée et rejouée à l'infini depuis une centaine d'années. C'est quoi l'originalité dans le blues pour toi, justement? Et comment on se réinvente dans le blues? Je pense que c'est en étant sincère et en racontant ce qu'on vit. C'est comme ça que je vis le truc, moi. Sincérité. Et en général, ça ne laisse pas les gens insensibles. Parce que sur scène, je fais toujours en sorte, étant donné que les gens... comprennent pas forcément ce que je chante, je fais toujours en sorte de présenter chaque morceau, raconter un petit peu l'histoire qui va suivre. Comme ça, je mets les gens dans l'émotion et ils s'y retrouvent tout de suite. Parce que ce que je chante, ce que je vis, il y a des tas de gens qui le vivent aussi. Donc, ils se retrouvent dans ma chanson parce qu'ils n'arrivent pas forcément, eux, à mettre les mots dessus. Et souvent, il y a des gens qui viennent me trouver à la fin, comme ça, dis donc, t'as chanté ce morceau-là, et voilà. Moi, j'ai vécu ça, et vraiment, ça m'a touché. Buck, on va te retrouver dans quelques instants sur la scène du Blues Café, mais juste avant, on l'a dit tout à l'heure, il y a un jukebox juste à côté de toi, tu as une pièce devant toi, et on va te demander de prendre en main la programmation musicale de cette émission et de choisir un titre que tu as envie de nous faire découvrir. Excellent. Alors, ça va être Book White, When Can I Change My Clothes. Pourquoi ? Parce que c'est un des premiers bluesmen du Delta que j'ai écouté. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai entendu ça, ça m'a bouleversé. En plus, le thème de ce morceau, où il arrive au pénitencier, on lui retire ses vêtements, on l'habille donc en costume de bagnard. Et à chaque fois, à chaque refrain, il dit « Quand est-ce que je vais récupérer mes fringues ?» Bah écoute, t'as une pièce sur toi, on va mettre le jukebox en route. Oui, c'est moi, j'en ai pas. Et puis on va l'écouter. Une pièce dans la machine et on te retrouve juste après sur la scène. D'accord. Never forget that day when you had me in Potsman jail. Would no one even come and go my bail. I wonder how long before I can change my clothes. I wonder how long I can change my clothes. So many days I would be sitting down. I would be sitting down looking down on my clothes. I wonder how long before I can change my clothes. I wonder how long I can change my clothes. So many days when they would be cold, they would carry me out in the rain and cold. I wonder how long before I can change my clothes. I wonder how long I can change my clothes. So many days when they would be cold, you could stand and look at the convict toll. I wonder how long before I can change my clothes. I wonder how long I can change my clothes. So many days I would be walking down the road. I could hardly walk for looking down on my clothes. I wonder how long beef I can change my clothes. I wonder how long I can change my clothes. Never forget that day when he taking my clothes, taking my citizen clothes and throw them away. Wonder how long before I can change my clothes. I wonder how long before I can change my clothes. Becca White, When Can I Change My Clothes? C'était le choix de Magic Buck. Il y en aura encore un durant cette émission. On applaudit très fort Magic Buck qui est sur la scène du Millennium. Nous sommes à l'île d'Abo en direct dans le Blues Café Live. was the ginger lady. Catapults in the cloud, so loud in the cloud, I got so frustrated. But the wife's not driving. Had to be maybe two, gotta drink me, and you couldn't stop the staring. Couldn't stop the smiling. Long red-haired woman, she's a red-haired lady. Long red-haired woman, true love woman. Long red-haired woman, she's my ginger lady. Took the dimes and cities to make us sing beauties, get stars in your eyes. I got stripes likewise. Had a song, maybe two, gotta talk me a new party all night long. Moving all along. Long red-haired woman, she's a red-haired lady. Long red-haired woman, she's a true red woman. Long red-haired woman, she's my ginger lady. Stick it to my face, forgetting your rule. Just pay in the room. Had a kiss, maybe two, gotta three, me and you couldn't feel the time. Couldn't see night time. Long red-haired woman, she's a red-haired lady. Long red-haired woman, she's a true red woman. Long red-haired woman, she's a red-haired lady. Long red-haired woman, she's a true red woman. Long red-haired woman, she's my ginger lady. Magic Buck. Ne changez rien, vous êtes bien dans le Blues Café Live. Et nous sommes ce soir, comme à l'habitude, au Millennium. C'est à l'île d'Abo et notre invité s'appelle Monsieur Magic Buck. On va revenir maintenant un peu sur ta discographie qui est importante puisque tu as sorti 5 albums au total. On va prendre un peu les albums les uns après les autres si tu le veux bien. Et le premier est sorti en 1998, il s'appelle Boot Stomping the Blues. Après avoir en fait passé, tu l'as un peu dit tout à l'heure, pas mal d'années à interpréter les blues des autres, de faire un premier album, c'était pour toi le moyen de jouer les tiens. Oui, et d'ailleurs sur celui-là, il y a une comme c'était le premier, j'ai quand même mis deux standards qui étaient des morceaux qu'on jouait avec le groupe que j'avais juste avant. C'était pour faire le lien avec avec cette période-là. Qui c'est quoi du coup les c'est standards Little Red Rooster et Love ouais. in Vain. Un album fait à la maison, hein, si en partie, si à la maison, en partie en studio et ensuite mixé dans un autre studio. Alors avec l'aide d'un certain Patrice Lazartigue, surnommé Lézard avec un T. Alors qui est ce Lézard? C'est quelqu'un qui fait de la prise de son, qui est dans le métier depuis bien longtemps et qui a une petite réputation. Mais qu'on entend, qu'on peut encore voir, entendre. Oui, bon, maintenant, il est rentré chez nous. Pendant très longtemps. Enfin, quand on a fait cet album, après, il a quitté la région, il a beaucoup bossé en région parisienne, il a tourné avec des artistes. Et puis, depuis quelques années, il est rentré chez nous. Et il travaille dans le Var maintenant. Alors, les morceaux de cet album ont été inspirés par ton premier voyage aux États-Unis. C'était en septembre 1996. Tu as ramené beaucoup d'inspiration de ce voyage, mais tu es revenu aussi avec une guitare Gibson et une paire de bottes. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça, oui, bien sûr. J'ai ramené deux Gibson même. Et deux paires de bottes Non, deux bottes. Et deux bottes. Ça faisait une paire. Deux guitares et deux bottes. La Gibson, et c'est celle qui est sur scène. D'accord. Mm-hmm. Et les bottes, ça fait longtemps qu'elles ont rendu l'âme. C'était un voyage un peu initiatique pour toi, d'aller sur les terres des grands bluesmen ? C'était la troisième fois que je m'y rendais. Et c'était la première fois que je revenais avec des instruments, en tout cas. Et des bottes. Et des bottes aussi, ouais. Et plein de quoi, effectivement, nourrir ce premier album. 2008, on avance un peu dans le temps, 10 ans après sur l'album Thankful. Oui. Je me trompe ? Non, c'est ça. C'est un album important pour toi. Oui, parce que c'est celui de la renaissance. Oui, exactement. L'album du retour et de la renaissance. Parce que je venais de passer 3 ans en traitement lourd pour une tumeur cérébrale qui m'avait complètement... Mis KO, éloigné de la musique. Cet album, je l'ai vraiment nommé Thankful pour ça. Parce qu'en fait, à travers cet album, je remercie la maladie de m'avoir fait devenir quelqu'un d'autre. Et depuis, je ne fais plus de la musique de la même façon. Et tout se passe bien pour toi. Et tout se passe bien, oui. D'accord. Dieu merci. J'allais dire touchons du bois, mais il n'y en a pas, là. Ouais. Heureusement, j'en ai sur scène avec moi. Tu avais été encouragé à l'époque par un ami, Marc Poveda, oui, qui t'a poussé à retourner sur scène. C'est ça. Est-ce que quand tu étais sorti de cette dure opération, tu avais envisagé à l'époque de pouvoir retourner sur scène ? Alors, la première année, c'était inenvisageable, parce que je ne pouvais même pas jouer de guitare. C'était épuisant mentalement. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, comme t'as moi, j'avais mon répertoire était prêt. En fait, quand je suis tombé malade, j'avais tout le répertoire pour faire ce deuxième album. Et comme j'avais le répertoire, il m'a dit, bah, écoute, viens, moi j'ai un studio, tu viens, on fait des courtes séances. Comme ça, tu enregistres pas à pas. Et puis, quand c'est prêt, c'est prêt. 18 mois, hein, ça fait. Ouais, 18 mois. 18 mois. Et quand l'album a été terminé, j'étais en rémission. 2011, il y a l'album Love and Light, sur lequel on retrouve des collaborations. Et ça, c'est un peu nouveau sur tes albums. Oui. Il y a des artistes invités. Il y a Manuto, qui est un artiste qu'on avait bien connu, qu'on a un petit peu perdu de vue et qu'on salue s'il nous écoute, qui jouait de la guitare hawaïenne et du Weissenborn. Mm-hmm. Il y a Mac Green, également un ami. Mandoline, accordéon et chant sur ton album. Et Tony Zombie, alors c'est peut-être un hommage à Walk is Dead, mais joue lui du banjo. C'est un redoutable banjoiste, ouais. qui est toujours à mes côtés dans les grandes occasions. Tu peux nous dire 2 mots de cet album Love and Light et pourquoi justement avoir eu cette envie d'y inviter quelques amis ? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, l'album précédent était déjà écrit quand je l'ai fait et il y a juste le dernier morceau dans lequel j'ai fait une allusion à la maladie. Et dans celui-là, j'ai pu vraiment écrire sur ce que j'avais traversé. D'accord. Avec en plus quelques années de recul. Et entre-temps, j'avais fait la connaissance de Mike, de Magneto, de Tony. Donc il était logique qu'il fasse partie de l'aventure. Mike qui est un musicien hors pair, hein, qui sait Mike tout jouer. Mike qui est un être humain extraordinaire. Ouais, absolument, ouais. Et justement, dans ce titre Love and Light, la lumière, c'était la lumière de la renaissance. C'est en ça. Fait, de la renaissance. Ouais. 2015. Comme tu ne fais pas les choses à moitié, hein, on le sait, Cédric et moi, ce n'est pas un album live, mais un double album que tu fais. J'en rêvais. Un double album live, en oui. plus tu en rêvais et tu j'en l'as rêvais. Fait. Ouais, ouais, parce l'envie que de graver Gamin, j'étais fan de tous les groupes qui sortaient des double albums live. C'était des concepts d'ailleurs. Ouais, hein, ce tous ces albums live des années 70. Ouais. J'adorais ça. Et alors, qu'est-ce que tu y as mis quel a été le choix ? Parce que ça fait double album en live, ça fait pas mal de titres. Donc, j'y ai mis tout ce que... En fait, j'y ai mis mon concert complet de l'année 2015. Ah, non-stop, donc c'était tout oui, le, d'accord. Oui, c'était un concert complet, vraiment. Okay. On a enregistré sur 2 soirs, et puis on a pris les meilleures versions des 2 soirs. Alors, un album live, c'est parfois aussi l'occasion de fermer un chapitre. Juste derrière, il y a eu l'album Soul Confidence, sorti en 2017. Est-ce que cet album, c'est un nouveau départ pour toi ? Complètement. Alors tu l'as dit, c'était vraiment aussi pour ça que je le faisais. Je voulais clore un chapitre. Celui de ce que j'appelle mes 3 premiers albums, en fait, je les considère un peu comme une trilogie. Voilà, j'ai voulu passer à autre chose parce que ça commençait à devenir pesant. Ce qui fait que Soul Confidence, c'est un album extrêmement frais, positif et résolument tourné vers l'avenir. Et où est-ce que ça a été enregistré, ça ? Et comment ? Il a été enregistré chez moi. Après avoir fait les 2 autres dans un vrai studio, celui-là, on l'a fait chez moi. Pour des raisons pratiques, en fait, parce qu'on n'avait pas de studio à disposition. Et parce que chez moi, il y a une pièce qui s'y prête très bien. Donc mon ami, c'est toujours Marc Poveda, le même qui... D'accord. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Donc il est venu chez moi avec tout son matériel et on y a passé 10 jours. Et ensuite, on est allé chez lui pendant 10 autres jours pour mixer. Alors sur cet album, on voit arriver non pas des amis, mais une nouvelle guitare, une National Steel O de 1930. Est-ce que tu peux nous parler de cette guitare, des guitares avec lesquelles tu joues ? Ça semble important parce que tu les mentionnes. Oui. Systématiquement, mm-hmm. sous chaque titre, sur les notes de ton album. Bah, disons que jusqu'à ce moment-là, je jouais sur une Nationale, une Duo Lian de 1931. C'était le modèle qui était en fer et qui était peint. C'était vraiment le modèle de prédilection des bluesmen. Mais j'avais toujours rêvé d'une Stylo, c'est le modèle en nickel, c'est le modèle qui est nickelé. Et je l'ai trouvé en 2016. Et cette guitare m'a... Et j'étais en pleine écriture de l'album à ce moment-là. Cette guitare m'a développé, tu sais, je sais pas si tu sais, mais quand t'as un nouvel instrument, tu as plein d'idées qui viennent, tu joues plus facilement. Ben là, ça a été le cas. Et ça m'a inspiré plein de nouveaux morceaux. Et c'était vraiment... L'album est vraiment à l'image de cette guitare. Alors revenons justement sur ce disque, Soul Confidence, et les morceaux qu'il contient. Alors le premier attire déjà la curiosité, rien que dans le titre. Que se passe-t-il donc pour toi entre le vendredi 19h et le dimanche 19h15? Oui, on sait, c'est le week-end, mais on l'aura compris, mais encore. C'est ma copine qui arrive par le train pour passer le week-end avec moi. Et c'est le morceau que tu as joué d'ailleurs il y a quelques minutes. C'est ouais. Le morceau que je viens de jouer, ouais. Pour la petite histoire ce soir, elle est venue par le train pour venir absolument, te voir. Absolument, donc voilà, l'histoire se répète sans cesse. Elle ne se déplace qu'en train. C'est, là, ça va, il y a une gare à l'île d'Abo, mais il y a des endroits, ça doit être un peu compliqué quand même. Oui, parfois je vais la chercher. Oui, quand même. Le deuxième titre pourrait être un clin d'œil à notre ami Zécolmi Rico, qui, on le rappelle, cette émission dans son studio Magneto. Le titre s'appelle Zécolmi Magic Buck. Et au fond, comme dans beaucoup de paroles de blues, tu écris souvent à la première personne du singulier. Oui. On sent que tu es un raconteur d'histoire, de ton histoire. Alors justement, que racontes-tu dans tes chansons? Ta vie de musicien, d'homme, de père, tout à la fois? Celui-là, en l'occurrence, c'est ma profession de foi. Il y a vraiment chaque vers, chaque mot a son sens. J'ai vraiment tout pesé. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire d'un anti-héros de la musique, pour le coup. Oui. C'est quelqu'un qu'on Assumé. Ne voit pas à la télé, dont on ne connaît pas forcément le nom, mm-hmm. qui ne croule pas sous les disques d'or. C'est un statut que tu revendiques. Oui, absolument. Je préfère rencontrer je préfère rencontrer chaque acheteur. J'espère qu'ils vont être nombreux ce soir. Il y a un très beau titre aussi qui doit te toucher particulièrement. Il s'appelle Flow Waltz. Il est dédié à ta chérie. Voilà, c'est un des trois morceaux de l'album. Et il est instrumental. Alors, je sais pas, on suppose que c'est par pudeur peut-être que tu n'y as pas mis de mots. Non, c'est parce que c'est un morceau qui... C'est vraiment fait pour être instrumental. Et comme il fallait un titre, voilà, j'ai trouvé ouais. celui-là. En fait, je l'ai composé, je l'ai trouvé... Donc elle s'appelle Flo. Ouais, comment t'as deviné? Ah, je crois qu'elle s'appelait Vals. Ça aurait pu être... C'est un morceau que j'ai composé devant elle. Il ne pouvait pas s'appeler autrement. Alors on a décortiqué tes paroles et à un moment donné tu dis « Si je pouvais rejouer le jeu, serait-il toujours le même ?» C'est la question existentielle que tu poses dans le titre Destiny. Ouais, Destiny, oui. Alors, si tu pouvais tout recommencer justement, est-ce que tu ferais la même chose? Certainement non, parce qu'il y a toujours des paramètres qui changent, qui pèsent dans les choix que tu fais. Mais ça serait intéressant comme expérience. Alors on va sauter un peu, on va avancer dans le temps, nouvel album. Oui. Nouvel album, parlons-en. Tu as quelque chose en projet? Absolument pas. Bon, et ben voilà. Non, non. Alors oui. Comment veux-tu parler avec des gens qui vont t'acheter ton prochain album si tu ne l'as pas en projet? Mais parce que le Soul Confidence, c'est là, c'est le nouvel album. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, mais ça reste le nouvel album. Tu sais, à mon niveau, hein, je ne suis pas médiatisé, donc un album... Je peux le faire vivre le temps que je veux, en fait. Est-ce que tu as des envies? Par exemple, sur le dernier album, Soul Confidence, il y a un invité, Olivier Ingargiola, mm-hmm. à la percussion. Est-ce que ce statut de one-man band te convient pleinement? Ou est-ce qu'un jour, tu aurais envie de repartir sur la route, ou au moins pour quelques concerts, avec des musiciens, avec toi? Je suis très très bien dans mes bottes en solo. D'accord. Vraiment. Tu t'entends bien? Ah oui, je m'entends très bien avec moi-même. Non, j'ai une très grande mobilité, tu n'as pas idée. Je pars de chez moi pendant un mois, je ne pourrais jamais faire ça avec des musiciens. Rester sur la route comme ça pendant un mois, loin de chez soi. Seul, c'est faisable, mais à 3 ou 4, impossible. Merci beaucoup en tout cas. On a commencé cette émission en t'appelant Magic Buck. On va la terminer en t'appelant Buck, puisque tu le dis dans la chanson « They call me Magic Buck, but my friends call me Buck ». Voilà, donc j'espère qu'on peut faire partie des gens qui t'appelle Buck. Merci beaucoup d'être venu. Buck, il te reste une pièce à mettre dans le jukebox. Donc c'est toi qui vas choisir le prochain titre et on te retrouve juste après sur la scène du Millennium. Qu'est-ce que tu vas choisir? Ah, vous allez halluciner. Hein, ouais. C'est une rareté. C'est les Charlots. Les Charlots dans ouais. le Blues Café Live. On n'aurait pas imaginé que ça arrive non, un jour. Non, ça arrive. Hein. En fait, c'est un album, c'est extrait de l'album La Révolution Française qui était sorti en 73. Moi, j'avais 8 ans. Il y a certainement des gens qui ne connaissent même pas les Charlots ici. Ma grande sœur avait acheté ce disque et je l'écoutais et il y avait cette chanson. Et en fait, je crois bien que c'est le premier blues que j'ai entendu de ma vie. Donc, ça a certainement conditionné certaines choses. Tu peux nous dire comment s'appelle ce titre, du coup ? Bon, ça s'appelle, c'est le serment de Talleyrand. Parce que l'opéra rock, la Révolution française, raconte toute la Révolution française. C'est parti, une pièce dans le jukebox, Les Charlots, et juste après, c'est Buck sur la scène du Blues Café. Merci beaucoup. Moi, Charles Maurice de Talleyrand, Périgord, évêque d'Autun, spécialiste en confit et or, je fais ici serment de respecter la constitution civile du clergé. Mes bien chers frères, je vous invite très ardemment à faire de même, à venir prêter serment pour apporter à l'Église de France notre soutien et l'appui de notre confiance. Les Charlots à l'instant dans le Blues Café, on n'aurait pas imaginé passer un jour les Charlots, mais c'est grâce à notre ami Magic Buck que l'on retrouve sur la scène du Blues Café sous les applaudissements du public. Merci beaucoup. Ah, les Charlots, qui l'eût cru. Tout le monde imagine que j'écoute du blues pur et dur chanté en anglais. Nous voici arrivés au moment hautement culturel de cette soirée. Après les Charlots, voici ce morceau au titre shakespearien. Do it or not do it. You double. I see you down in deep trouble. What are you crying for? Never saw you like that before. Where did it go? Love that in your eye. Where did you go? Losing all desire. Got no more faith. Farewell is all you face. Now listen to me, fellow. I could say the usual words. Flowers, trees, and singing birds. Well, I could tell you tales. But I'm gonna tell you this. Yeah, I will only tell you this. Don't do it, don't do it. Cause one day you may regret it. By your side, here's the choice. You're the one up to decide. Do it or not do it, 'cause one day you may regret it. Vous connaissez le scrapbooking? Le scrapbooking, c'est une technique de découpage de photos pour faire des collages dans un bel album qu'ensuite personne ne regardera jamais. Parfois, il arrive que la paire de ciseaux serve à autre chose, à savoir faire disparaître de toutes les photos une personne que quelqu'un n'a plus envie de voir. Et dans ce cas, celui ou celle qui se trouve éjecté de sa propre vie, découpé de toutes les photos, à ce que j'appelle le... Scrapbooking blues. I got this scrapbook blues. Scrapbooking blues. 'Cause I've been cut from head to shoes. Scrapbooking blues. I got this scrapbook blues. Scrapbooking blues. 'Cause I've been cut from head to shoes. All my life is on the floor. What used to be honest? Lots of pics I made outdoors seem stolen from my chest. Just cutting and cutting and cutting and cutting. I can't sing in no more. Scrapbooking blues. I got this scrapbook blues. Scrapbooking blues, 'cause I've been cut from head to shoes. Here comes a flower in an angel face. How about a wild bird with brown hair? Like a new story out of space. These are my days, like if I've never been there. Page after page, year after year. She's cutting me off, but I had those days. I swear, scrapbooking blues. I got these scrapbook blues. Scrapbooking blues, 'cause I've been cut from head to shoes. Scrapbooking scrapbooking blues, cause I've been cut from head to shoes. Scrapbooking blues, I got this scrapbook blues. Scrapbooking blues, cause I've been cut from head to shoes. Sweet beloved kids, she gave me a happy days I thought I ever had. Holidays, modern and sea, those pigs I shot all together. This is the sun, and this is the moon, those half furs were big last week. This is fun, look, it's a spoon. Oh, please wait, this one I'd like to save. She's cutting and cutting, and cutting and cutting, I can't sing it no more. Scrapbooking blues, I got these scrapbook blues. Scrapbooking blues, cause I've been cut from head to shoes. Scrapbooking blues, I got these scrapbook blues. Scrapbooking blues, cause I've been cut from head to shoes. All I could do is cry. All I can do is sing. Good crying, good singing. Good crying, good singing. Good crying, good singing. Good crying, good singing. Merci beaucoup. Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Ce soir sur la scène du Blues Café, il y avait Magic Puck. Son dernier album s'appelle Soul Confidence. On vous invite à le découvrir. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Et si vous avez un disquaire en bas de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir de temps en temps. Le mois prochain, Francis, on reçoit Mathis Haug. Oh oui, encore une belle pointure et un très bon musicien. Ouais. D'ici là, on vous donne rendez-vous sur le www.bluesactu.com et n'oubliez pas d'écouter de temps en temps notre web radio 24h sur 24, bluescaféradio.com. On laisse la place à Magic Buck. Ciao, ciao. Un morceau qui parle de la route, et croyez-moi, j'en fais beaucoup. My blue phone and me. Together, just my blue for and me. Had a new bedroom last night. Got no feel, but it was quiet. I find you again today. Feel at home even far away. I left a mile, day after night, riding together. Just my blue for and me. Let's go home on a trip today. I had such good yesterday. I love to ride and explore. Place I've never been before. Mile after mile, day after night, riding together. Just my blue for and me. Merci beaucoup, bonsoir.